se plaindre. Exercice 4. Quelle journée! Une vraie catastrophe! Tout d'abord, je n'ai pas pu retirer d'espèces avec ma carte bleue au distributeur automatique alors que j'ai de l'argent sur mon compte bancaire. Je suis donc allée à la banque. L'employé a vu que mon solde était positif, mais il n'a rien pu faire. Vous trouvez ça normal, vous? Ensuite, je voulais acheter une machine à laver. L'employé du grand magasin n'a pas voulu me faire crédit. Ah non, mais franchement, j'ai essayé de le convaincre. Impossible. C'est vraiment compliqué ici, hein. Et pour finir, je sors du magasin, je vais chercher ma voiture et là, un agent était en train de me mettre une contravention. Mon ticket était dépassé de seulement 10 minutes. Vous vous rendez compte? Et ce n'est pas tout. J'ai bien montré mon ticket, mais il n'a pas voulu annuler la contravention. Ras-le-bol !